période prophétique de 40 jours sur la destruction du 6e nœud coulant au Temple des Nations de Paris, situé au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390, Villeneuve-la-Garenne, avec au programme des révélations importantes sur le chiffre 666 et des délivrances sur le lien avec ton cordon ombilical. Tous les jeudis et vendredis à partir de 18h30 et tous les dimanches dès 9h. Contact plus 33 69 89 224. Aimez et abonnez-vous sur notre page YouTube Temple des Nations. Accès métro ligne 13, descente à l'arrêt Gabriel Péri ou par RERC, arrêt Les Grésillons, puis prendre le bus numéro 177, descente à l'arrêt Carrefour. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Nous commençons notre séminaire de prière pour la destruction des envoûtements. Pour la destruction des envoûtements se manifestant surtout sur le 6e et le 7e nœud, le nœud coulant. Et depuis quelques jours, on a lancé une campagne de prière qui aujourd'hui nous conduit dans la profondeur même de la spiritualité. Et cette spiritualité, puisque nous avons la Bible pour base, et c'est la Bible qui nous guide tous les jours, puisque la Bible dit que Dieu est fidèle. Il est fidèle quand il fait ses promesses. Et comme la Bible le dit déjà dans le livre des Romains, qu'il nous a délivrés, et il précise qu'il n'y a point de juste. Et s'il n'y a point de juste, c'est lui qui nous a rendus justes par rapport au sang de Jésus versé sur la croix. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons croire que nous avons la puissance. Et cette puissance vient du Saint-Esprit de Dieu. Le verset qui confirme qu'il n'y a point de juste, ça expose tout simplement une juste connaissance de la nature humaine. Dans leur état naturel, tous les hommes sont pécheurs et condamnés à la malédiction. Leur être tout entier est affecté par l'hostilité du péché. Et aussi, l'homme a toujours tendance à se conformer au monde. Le monde méchant, le monde des envoûtements, le monde des œuvres sataniques, des œuvres de la chair. Or Dieu, quand tu es donc converti, tu entres dans le jargon de Dieu, dans la spiritualité de Dieu, et tu commences à produire les œuvres de l'esprit. Mais lorsque tu n'es pas encore sauvé, tu produis les œuvres de la chair. Et parmi les œuvres de la chair, il y a la magie là-dedans, il y a la sorcellerie, il y a la haine, il y a toute forme d'impudicité, la débauche, et tout ce qui est décrit dans ce livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Donc Dieu, selon le livre de Romains chapitre 3 verset 10, considère que tout être non régénéré a un problème de la condamnation. Et pourtant, pour Dieu, il est juste. Il nous justifie donc par rapport au sang de Christ qui a été versé sur la croix. C'est pourquoi la Bible, qui est la parole de Dieu, précise, Romains chapitre 5, que tous, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part à la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Dans l'espérance, c'est-à-dire nous espérons être enlevés si nous persévérons. Alors, pourrions-nous être enlevés un jour si nous continuons à vivre avec tous les signes d'envoûtement dans nos vies? Parce que lorsqu'il y a des signes d'envoûtement dans la vie, il est difficile et impossible d'être enlevé parce que, à un moment donné, les démons vont te contraindre, vont te pousser à commettre des fautes, des péchés que Dieu hait. Et tu seras finalement rejeté. Donc il est normal que le corps, l'âme et l'esprit de toi soient sanctifiés. C'est ce que la Bible appelle l'être. Que notre être tout entier soit sanctifié, corps, âme et esprit, selon 1 Thessaloniciens. Aujourd'hui donc, puisque nous parlons toute la semaine des envoûtements qui se manifestent dans les nœuds coulants, le numéro 7. Quand on sait que le chiffre 7, selon Dieu, c'est le chiffre de la perfection. Tout ce qui est parfait, spirituellement parlant, venant de Dieu. C'est le chiffre de la délivrance. Mais du côté de Satan, c'est le chiffre des différents envoûtements. Dans le nœud, il y a l'envoûtement. Mais il y a donc plusieurs types d'envoûtements. C'est ce que nous allons décrire tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement direct, comme les différents appels que nous avons avec le Seigneur. Il y a l'appel par intermédiaire, donc quelqu'un te prêche l'évangile. Il y a l'appel aussi direct. Il y a l'appel indirect, donc par intermédiaire, c'est indirect. Dieu passe par quelqu'un pour t'annoncer l'évangile. Il y a donc l'appel direct, comme il avait fait avec Paul, avec moi-même qui vous parle. Du côté de Satan aussi, quand on sait que l'appel de Dieu, c'est une alliance. Parce que tu étais dans une alliance diabolique. Tu étais envoûté. Et cet envoûtement était direct. Il y a en toi l'envoûtement indirect et l'envoûtement direct. Indirect, c'est-à-dire tu as hérité une nature. Et cette nature commence sur Adam. Et qui touche également ton père. Cela peut produire des envoûtements indirects qui te placent dans un nœud dont tu es attaché. Et il y a des envoûtements aussi directs. Comme tu ne bénéficies pas d'une protection venant de Dieu, on peut t'envoûter de plusieurs manières. On peut t'envoûter dans la famille, dans cette petite cellule familiale où tu es né. Et chaque cellule familiale a des pratiques de sorcellerie, des confréries de sorcellerie. D'où se pratiquent les envoûtements directs. Ça commence dans la famille. L'envoûtement direct ici, c'est la pratique d'enchantement la plus utilisée. Dans le livre Nombre, la Bible parle d'enchantement. Que lorsque tu es né de nouveau, il est impossible que l'enchantement puisse te toucher. Impossible. C'est pourquoi il parle d'Israël. Israël aujourd'hui, c'est nous. C'est pas Israël qui est là, que vous voyez. Israël, c'est tous ceux qui ont reçu le Seigneur. Donc l'enchantement n'a pas de pouvoir sur nous. Mais comment et pourquoi, de nos jours, on rencontre beaucoup de signes d'enchantement dans la vie des enfants de Dieu. Ceux qui ont été touchés, ils pleurnichent comme les païens. Je dis bien, l'envoûtement direct ici, c'est-à-dire qui passe par ton frère, qu'il t'envoûte directement dans la famille parce qu'il est sorcier, qu'il t'envoûte, qui passe aussi par ton oncle, qui passe par ton père, qui passe par ta mère, qui passe par un ami, qui passe par une amie, qui passe par ton mari, qui passe par ta femme, qui passe par les cousins ou les cousines. C'est la pratique d'enchantement la plus utilisée. Elle repose sur la force, une concentration du sorcier, du magicien, du sataniste. Il se concentre à jeter un sort sur toute activité que tu peux mener. Et puis, il attache pour détruire ton activité. Parce qu'il maîtrise, il connaît ce que tu fais. Ou bien tu l'avais déjà parlé de ça. Comme d'autres personnes ne ferment jamais la bouche lorsqu'ils ont un projet. ils exposent toujours leurs projets aux vues aux yeux de tout le monde. Et parfois, lorsque tu n'es pas chrétien, parce que pour un chrétien, de telles choses sont parfaitement difficiles, même si tu le dis, tes projets sont déjà protégés. Dans le livre 2, Job, Satan reconnaît que Job, ses activités étaient protégées par Dieu. Je dis bien, Satan reconnaît devant Dieu. Job chapitre 1, Satan dit à Dieu, « Ne l'as-tu pas protégé, lui et tout ce qui lui appartient ?» Je veux que le verset soit cherché au Cameroun et que ça soit lu également. C'est Satan qui le dit. Mais pourquoi toi qui m'écoutes, tu n'es pas protégé de la sorte comme Job l'avait été? Alors, la Bible précise que Job a été protégé par Dieu. Satan lui-même reconnaît devant Dieu. Mais pourquoi toi, jusqu'à présent, il y a des signes qui ont été donnés hier et qui seront donnés également aujourd'hui. Toi-même, tu vas te reconnaître là-dedans. Par exemple, des fatigues importantes qui perdurent. J'ai parlé de ça hier. Des fatigues importantes. Ça peut être une fatigue intellectuelle, une fatigue mentale, une fatigue physique qui perdure. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà trouvé le livre de Job qui nous parle de ça, le chapitre et le verset? Il est écrit. Ne l'as-tu pas protégé, c'est Satan qui parle, il s'adresse à Dieu. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Je me demande pourquoi de nos jours, même ceux qui croient être enfants de Dieu, ont ce genre de problèmes, des migraines, des malaises fréquents, des troubles sévères du sommeil, des cauchemars pas possibles. Mais ils se disent enfants de Dieu. Des démangeaisons cutanées, récurrentes dans la vie, sur la peau, sur les parties intimes, des pertes d'appétit. C'est pas que tu es enceinte, que tu es en état de grossesse. Là, ce sont les sensations qui accompagnent une femme qui est enceinte. Mais toi, tu n'es pas enceinte. Toi, tu n'as pas de grossesse. Monsieur, je ne sais pas si les hommes accouchent déjà. L'homme fait un enfant avec sa femme, mais je ne pense pas que l'homme qui a des problèmes de perte d'appétit aujourd'hui, des sommeils troublés, des migraines, des vomissements, des choses semblables, peut me faire croire que c'est un problème de grossesse. Ou bien la femme qui n'est pas encore enceinte. Nous en parlons des démangeaisons cutanées récurrentes, des pertes d'appétit, des sensations désagréables et douloureuses, des jambes lourdes. Les femmes, parfois, quand elles sont enceintes, il y a des pieds qui gonflent. On dit, elle a exagéré en consommant du sel, peut-être. Parce qu'elle est enceinte. Mais toi, tu as des jambes lourdes, pourquoi? Et parfois, ça gonfle. Et parfois, c'est des démangeaisons au niveau de la plante des pieds. Et parfois, c'est des fourmillements également dans les doigts, sur la paume de la main. Ne sais-tu pas que ce sont des signes d'envoûtement? Ce sont des signes d'envoûtement. Nous avons aussi, tu es toujours déprimé, la dépression. Nous avons aussi la perte de la libido, donc l'énergie sexuelle, bien sûr. Je l'avais déjà dit et c'est pourquoi je reviens là-dessus. La nervosité ou bien l'agressivité. Tu es toujours agressive ou agressif. Il y a aussi l'isolement ou bien repli sur soi. Tu aimes s'isoler, se replier lorsque tu as des problèmes. Donc l'envoûtement s'accompagne également d'une détérioration générale de son cadre de vie. une détérioration générale de son cadre de vie. Auparavant, tu avais un carreau de vie. Tu habitais dans de belles maisons, mais aujourd'hui, tu te retrouves dans les entrées couchées, comme on le dit à Abidjan. Entrées couchées. Aujourd'hui, tu te retrouves dans des maisons bizarres, des studios. Il y a une dégradation, ta maison même que tu gardes jalousement est pleine de saleté. Je parle de la saleté. Toute personne qui aime la saleté, c'est déjà envoûté. Parce que les démons, c'est pourquoi les sorciers, pourquoi la sorcellerie prospère en Afrique. Le signe principal qui nous montre que toute personne qui a des liens de sang avec un Africain, cette personne a des liens d'envoûtement. Je m'en vais vous éclairer là-dessus. Nous vivons dans des désagréments qui sortent de l'ordinaire dans nos pays en Afrique. Les invasions, par exemple, invasions d'abord des soldats qui viennent des autres pays, soi-disant nous sauver des situations politiques. Ne savez-vous pas que c'est des manifestations d'envoûtement? Ce sont des manifestations d'envoûtement. Et de l'autre côté, nous avons des richesses que nous ne pouvons pas utiliser. D'autres personnes vivent, s'enrichissent sur le dos des Africains. C'est un envoûtement. Je prends par exemple l'exemple des Chinois. Lorsqu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils implantent des hôtels dans leur soi-disant les œuvres humanitaires qu'ils posent dans la nation, construire par exemple les stades, les palais, palais de sport, palais du congrès, palais de ceci, palais de justice, le congrès dans le pays ou bien le parlement. Et ce sont des hôtels, parce que quand ils viennent, ils construisent eux-mêmes avec leurs entreprises. Ils mettent des hôtels pour vous envoûter. Et vous serez capable de leur accorder des avantages considérables en matière de la gestion des ressources. Ressources minières, ressources, tout ce que vous voulez, ressources végétales et autres. C'est pourquoi que ce soit la faune, que ce soit les eaux, que ce soit les forêts, les ressources minières sont absolument gérées aujourd'hui par les Chinois. Parce que ils ont d'abord planté des hôtels pour vous envoûter, pour envoûter les autorités. Ils signent dans les contrats sans toutefois s'en rendre compte. Voilà un peu en ce qui concerne la nation. Mais retournons un peu en arrière avant l'arrivée des Chinois. Nous parlons des Occidentaux. Vous voyez que les Occidentaux, quand ils arrivent chez vous, pour vous sortir de cette pauvreté intellectuelle, cette pauvreté mentale, manque de civilisation et autres, pour vous sortir de l'illettrisme et autres, où on ne savait pas lire, on vivait dans les forêts comme des singes. Alors ils sont arrivés effectivement, mais ils ne sont pas aussi venus les mains vides. L'histoire nous raconte qu'ils sont passés par la religion. Mais une religion qui n'était pas la religion des nés de nouveau, qui n'était pas réellement la parole de Dieu. Donc tout le monde a été envoûté par cette religion. C'est un envoûtement. Mais un envoûtement indirect. J'ai d'abord parlé de l'envoûtement direct. Et je vous parle maintenant, je suis toujours dans le domaine de l'envoûtement direct, parce que ils ont été en contact. Les Occidentaux, mais n'étaient pas des religieux. Mais derrière eux, il y avait les religieux qui étaient beaucoup plus en contact avec la population. Donc, les religieux qui n'avaient rien à voir avec Dieu, toutes les pratiques qu'ils posaient étaient des pratiques d'envoûtement. Donc, c'était des gens, effectivement, qui avaient une aliénation des idées, dominées. Donc, tout ce que les religieux préparaient déjà spirituellement, l'implantation de la politique dominatrice occidentale. C'est pourquoi ils marchaient ensemble. Si vous voyez les vidéos et aussi ce qui s'est passé quand ils sont arrivés en Afrique pour pouvoir coloniser l'Afrique, la religion était la base, le fondement. En ce qui concerne la religion, c'était un avoutement indirect. Mais le but central était de dominer économiquement. Mais ce n'était pas la destruction. C'est pourquoi, au niveau des Occidentaux, ce n'était pas la destruction. Mais tout ce qui vient de Satan détruit. Mais détruit-vous, détruit à long terme. C'est pourquoi les pays colonisés ne se sont pas développés. Ils avaient de bonnes intentions. Et les démons ont utilisé les Africains eux-mêmes avant de réaliser ce qu'ils sont venus faire, donc développer le continent. Les Africains ont demandé aux Occidentaux de partir. Vous voyez, ils n'avaient pas encore reçu effectivement le pouvoir, la sagesse, l'intelligence, l'expérience de gouverner. C'est pourquoi l'Africain est incapable, le noir est incapable de diriger, que ce soit une société. On doit toujours faire appel, c'est un envoûtement, on doit toujours faire appel aux Occidentaux. Si c'est faux, pourquoi les sociétés qui ont été créées par nous-mêmes après les indépendances ont chuté, ont été liquidées, et ce sont les sociétés occidentales qui reviennent pour racheter. Par exemple, la SNEL, par exemple, la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, quand mon père travaillait, il s'appelait Régie nationale des chemins de fer du Cameroun. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Qui gère ça? Est-ce que c'est l'État camerounais encore? La SNEL, la Régie des eaux, la SINEC, comme ça s'appelait auparavant quand je grandissais. Mais pourquoi ces sociétés qui étaient les fleurons de la nation ne gardent plus les mêmes noms? Parce que les maîtres ont changé. Les investisseurs ont changé. Ceux qui dirigeaient auparavant étaient des Camerounais. Puisque c'était des sociétés nationales. Mais l'envoûtement indirect s'est manifesté qui les a poussés à tout voler. Donc voilà l'envoûtement qui vous soumet à la pauvreté, à la misère. Et cet envoûtement indirect vous pousse à la corruption, à vivre corrompu. Dans une corruption, il faut donc une délivrance nationale pour sortir de l'envoûtement indirect. Il y a là, au niveau national, l'envoûtement direct qui passe par nos parents. Ce qu'on a vu nos parents faire, c'est un envoûtement direct. Par exemple, le fétichisme. Par exemple, les traditions. L'adoration des crânes. Les funérailles. C'est des envoûtements directs. Dans la famille, ça passe dans le sang. Donc c'est pourquoi l'envoûtement indirect, c'est un rituel de mauvais sort qui s'effectue sur la représentation. Dans l'hôtel des Chinois, c'est une représentation de la Chine à l'intérieur du Cameroun. Les hôtels spirituels, c'est une représentation de la Chine à l'intérieur comme une ambassade. C'est pourquoi quand les Occidentaux sont arrivés, tout passe par leurs ambassades auparavant. Mais comme le pouvoir mystique n'était pas tellement ancré, ils ont commencé à perdre. À perdre les pays africains au détriment de la Chine qui est arrivée, non plus par la religion. Parce que si les Occidentaux étaient arrivés avec la parole de Dieu, la vraie, ils n'allaient pas perdre le continent. Vous commencez à découvrir maintenant la vérité. Si les Occidentaux, parce qu'ils sont arrivés avec la religion n'a pas de force. La religion a derrière elle une panoplie de démons, d'esprits impurs, de tromperies, de mensonges. C'est pourquoi tous les pays fonctionnent comme ça en Afrique, avec le mensonge, avec la tromperie. On doit vous tromper, on doit vous mentir. que ce soit sur les médias, que ce soit sur tout ce que vous pouvez avoir à votre portée, c'est le mensonge, c'est la tromperie. La religion n'apporte rien du tout. Si, je répète, si les Occidentaux étaient réellement entrés avec la parole. Bon, à l'inverse maintenant, nous voyons ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas la religion, mais ceux qui sont entrés pour la première fois pour découvrir ce continent, ils sont entrés avec la Bible. C'est pourquoi il y a eu plus de réveil aux États-Unis et plus de puissance, plus de domination du côté de Dieu, plus de bénédiction, plus de réussite. Le pays est devenu la toute première puissance du monde. Mais le pays n'est plus resté la toute puissance, la première puissance du monde parce que le satanisme est entré dans le pays. L'envoûtement indirect. Parce que au niveau des enfants de Dieu, il y a l'envoûtement indirect qui est beaucoup plus utilisé. Quand tu viens de naître de nouveau, si tu as fait réellement ta cure d'âme, tu as détecté les signes des envoûtements, tu vas t'en sortir au niveau de l'envoûtement direct. Parce que l'envoûtement direct, ce sont des pratiques d'enchantement. Et comme l'enchantement ne peut plus te toucher parce que tu es né de nouveau, tu es protégé directement. Mais ce que Satan, il va utiliser la ruse pour passer par l'envoûtement indirect, pour te récupérer. L'envoûtement indirect, donc maintenant, va passer par des aliments. Par des aliments, par ce qu'on appelle le cheval de Troie, dans le jargon des satanistes, des sorciers, des magiciens. C'est un type d'envoûtement aussi. Une ruse maléfique qui permet d'implanter un programme infernal d'instrumentalisation dans le subconscient. Vous savez que Satan, les démons, ont un accès dans votre subconscient en passant par de fausses doctrines, en passant par de fausses prophéties, en passant par des pratiques sexuelles, dans les rêves et aussi physiquement. Donc toute personne qui a des manifestations des pratiques sexuelles dans les rêves, c'est ce qu'on appelle l'envoûtement indirect qui passe par le cheval de Troie. Donc par ce rapport sexuel, on implante un programme infernal d'instrumentalisation dans ton subconscient. Tu seras utilisé, tu le veux ou pas. Ils vont passer par ton subconscient pour te détruire physiquement, pour te détruire matériellement, pour te détruire spirituellement, pour te détruire financièrement. Ils vont te détruire de cette façon. Donc je suis en train de décrire plusieurs types d'envoûtement du nom numéro 7. Tous ceux qui ont été dans les différentes religions où on ne parle pas de la nouvelle naissance et qui se sont convertis sans toutefois se repentir de l'existence de leur passage dans ces religions et qui continuent à croire que c'était les religions de Dieu, vous resterez toujours envoûtés. Il y a des gens qui pêchent en disant, oh oui, tu es né de nouveau d'un coup, tu es protégé. Non, non, écoute-moi bien. C'est des doctrines démoniaques. S'il n'y a pas une repentance, dont la reconnaissance du péché, il faut la repentance, dont la reconnaissance du péché, qui a été commis avant. Quand Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous, mais ça veut dire quoi? Quand vous, pasteur, vous dites aux gens, si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Mais la personne qui est en Christ, c'est qui? C'est ça le problème. Ayez l'amabilité d'expliquer clairement si réellement vous maîtrisez la parole de Dieu. Si vous avez la révélation, le mécanisme de la nouvelle naissance, et ça c'est important, ne dites pas seulement que quelqu'un qui arrive quelque part, comme je suis en train de prêcher là, je dis reçois Jésus, confesse Jésus au nom de Jésus, tu reçois Jésus au nom de Jésus. Mais ça c'est la nouvelle naissance, vous blaguez ou quoi? On invite quelqu'un dans un séminaire, il écoute, et puis la Bible dit quoi? Après avoir entendu ce discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Le cœur est touché. Ton esprit est touché par la parole de Dieu. Quelle parole alors? Des révélations. Mais quel type de révélation? Sur la personne d'abord de Jésus-Christ. Qui est-il? Et puis sur tes propres pratiques. Je dis bien sur tes propres pratiques. Et la conversion n'est pas comme la repentance. Répentez-vous et convertissez-vous, c'est deux choses différentes. La conversion, c'est revenir dans ton passé, voir tous les dérapages, les péchés commis, catégorie sur catégorie, et reconnaître que ici, j'avais péché, parce que je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. C'est ce qu'on appelle une identification. Et chaque péché est accompagné des démons. On a reçu des esprits lorsqu'on commettait ces péchés-là. On a aussi reçu des démons appropriés qui sont entrés dans votre zone de tension. Et dans cette zone de tension qui sépare votre corps et votre âme, sont logés tous ces démons que vous aviez encaissés par des envoûtements directs. Ils sont logés là. Mais lorsque le péché n'est pas identifié, lorsqu'il n'y a pas eu repentance, vous ne pouvez pas être délivré. Vous n'allez pas me dire que il y a eu repentance seulement ou bien conversion seulement lorsque vous maîtrisez la parole de Dieu dans le domaine. C'est pourquoi Jésus-Christ disait ceci, là les apôtres disent, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Connaître la vérité, qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que vous êtes converti si vous ne connaissez pas la vérité. Connaître la vérité, d'abord la parole de Dieu, les révélations dans chaque domaine. Et vous vous identifiez à ce qui est révélé. Vous reconnaissez que réellement j'ai fait ça, ou bien ce qui est dit là m'arrive. Par exemple, les signes sur les envoûtements, ou bien sur tout ce que je suis en train de dire depuis le début. Mais vous n'allez pas me dire que vous vivez avec tout ça. Et vous continuez à faire la politique de l'Autriche en disant que vous êtes enfant de Dieu. Oui, si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui couche avec les démons dans le rêve. Votre corps n'appartient-il pas à Dieu? Votre âme n'appartient-elle pas à Dieu? Pourquoi le Saint-Esprit ne prend pas possession? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais à quel niveau il est le temple du Saint-Esprit? Quand vous couchez avec les démons, avec les esprits, quand vous avez dans le rêve des contacts avec des personnes décédées, et vous allez me dire que vous êtes enfant de Dieu, ou bien vous n'avez pas de problème avec les démons. Mais ça, c'est un mensonge. Ou bien vous n'avez pas besoin de délivrance. Mais monsieur, vous avez besoin de la délivrance. Madame, vous avez besoin de la délivrance. On dit que toute personne n'a pas besoin de la délivrance. La première partie de la délivrance consiste à être délivré du péché originel. À être délivré de toutes les malédictions que Dieu avait prononcées lorsqu'il avait condamné Adam. Et tu es né avec cette malédiction. Ces malédictions, elle n'est pas seule. C'est plusieurs types de malédictions que tu as héritées. La même manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. La vraie manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Donc, au niveau de l'envoûtement qu'on appelle le cheval de Troie, une ruse maléfique qui permet d'implanter un programme infernal que tu seras d'instrumentalisation dans ton subconscient. C'est pourquoi les gens se comportent bizarrement, même si on est dans la maison de Dieu. Il devient un instrument de démons. Les démons t'utilisent facilement. Contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants, contre le pasteur. Contre. Parce que on a implanté un programme infernale d'instrumentalisation dans ton subconscient. Donc, les démons peuvent facilement t'utiliser. Peuvent facilement, c'est pourquoi de telles personnes seront incapables d'abandonner le péché. Ils ne prennent pas facilement la décision d'abandonner un péché. Parce que leur subconscient n'est pas libre. Ils ne se répandent pas facilement. Ils ne reconnaissent pas facilement qu'ils ont péché. C'est un envoûtement qu'on appelle le cheval de Troie. C'est des signes qui prouvent que, réellement, tu es là dans cet envoûtement. Tu ne peux jamais se repentir facilement. Vous allez voir certaines femmes envers leur mari ne se repentent jamais. Certains hommes envers leur femme, ils ne se repentent jamais. C'est difficile que ce monsieur demande pardon à sa femme. Mais c'est un envoûtement. C'est difficile que cette dame demande pardon à son mari. C'est difficile qu'il puisse reconnaître. Il demande pardon à son pasteur. Il accuse toujours le pasteur. Il jette toujours la faute sur les autres. Il ne reconnaît jamais son péché. Il jette toujours la faute sur les autres. Si j'ai échoué, c'est elle. Si j'ai échoué, c'est elle. Si j'ai échoué, on m'a vendu. De telles personnes continuent à parler toujours des envoûtements, alors que c'est la personne qui ne veut pas mettre la parole en pratique. Mais elle va continuer à accuser le diable. Et lorsque tu es envoûté, tu vas toujours croire que le diable est plus fort que Dieu. C'est des envoûtements. Quand quelqu'un réussit à côté de toi, tu diras toujours, il fait la magie. Mais tu es envoûté. Parce que tu es incapable de voir la gloire et la puissance de Dieu. Impossible de dire que c'est Dieu qui agit. On a entendu les serviteurs de Dieu soi-disant, qui disent que tel serviteur qui réussit dans son ministère, c'est la magie. Mais lui-même est envoûté. Et ce genre d'envoûtement peut également te pousser facilement à blasphémer contre le Saint-Esprit. Le diable prépare cela pour t'amener à... Il va utiliser ton esprit pour t'amener à blasphémer contre le Saint-Esprit. À blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce séminaire a été initié pour pouvoir délivrer. Pour pouvoir délivrer. Vous devez donc venir au Temple des Nations ce jeudi-ci, ce vendredi, dimanche, cette semaine, pour votre délivrance. Si vous vous reconnaissez sur les choses que je suis en train d'expliquer, et c'est pourquoi il y a une autre forme d'envoûtement, l'envoûtement alimentaire. L'envoûtement alimentaire, de nos jours, tout ce qui est meilleur, l'Africain n'aime pas consommer ce qui lui appartient, ce qu'il crée, ce qu'il cultive lui-même. Nous avons un envoûtement alimentaire, nous apprécions le mets d'autrui. Il est difficile de voir un Africain faire la promotion de ses propres mets. S'il y en a dans les restaurants, dans les hôtels au Cameroun, il sera rare, même dans les restaurants implantés. Je dis des grands restaurants, je ne parle pas des tournées d'eau. Il sera rare de voir des menus véritablement venant du Cameroun. Vous allez voir des noms occidentaux sur les menus. Or, quand vous regardez la Chine, Chinois mange Chinois. Mais il est difficile, même le riz que nous consommons, c'est-à-dire quand ces aliments viennent de l'étranger, il y a déjà un envoûtement dessus qui va vous pousser que le Cameroun dépense combien de milliards par an pour l'importation de denrées alimentaires. L'Afrique, malgré les forêts tropicales que nous avons, nous dépensons combien de milliards pour importer les denrées alimentaires vers l'Asie, vers l'Europe et autres. Donc, l'envoûtement alimentaire qui consiste à jeter un sortilège par le biais d'aliments ingérés qui agiront comme un poison gangrenant le psychisme, maîtrisant notre intellect, maîtrisant notre boîte crânienne. Ça maîtrise le psychisme de la victime ou modifiant son activité. Ça peut modifier toutes les activités, jusqu'à l'activité sexuelle, l'envoûtement alimentaire. C'est d'ailleurs un procédé très utilisé en magie sexuelle sur les effets aphrodisiaques. Tellement utilisé les aliments. C'est pourquoi quand vous allez chez le féticheur, pour un problème de charme, il va dire à la dame, tu vas mettre ça dans la nourriture de ton mari. Vous êtes à l'université spirituelle, école normale supérieure, à l'université de Dieu. Donc je vous enseigne des choses qui ne sont jamais enseignées ailleurs. Et pour les avoir, il faut m'écouter. Si toi tu ne m'écoutes pas, on va toujours te parler de Dieu, de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais Jésus a parlé de mammon. Il a parlé, même donné le nom du démon qui conduit, qui manipule l'argent dans le monde. Mammon. Lui, Jésus, a beaucoup plus parlé de démons plus que tous ceux qui sont venus avant lui. La Bible dit, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres de Satan. On ne peut pas détruire les œuvres de Satan sans qu'il fallait dénoncer. Mais il y a des gens qui s'hasardent à parler de ça alors qu'ils ne maîtrisent pas. À trancher catégorie. Oh oui, vous savez, si vous êtes déjà, on ne doit plus vous parler de délivrance. Tout le monde, le salut c'est quoi d'abord? C'est la délivrance. Recevez le salut, c'est quoi? C'est la délivrance. Donc, recevez le salut. C'est la première partie de votre délivrance. Dieu délivre votre esprit, votre âme, du corps, du péché originel. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas eu connaissance sur l'existence du péché originel, le jour qu'ils ont reçu le Seigneur, ils ne sont pas nés jusqu'à présent. Tu peux confesser Jésus 1000 fois, mais si tu n'as pas identifié le premier péché qui est la porte centrale, pour être délivré du péché originel, il faut qu'il soit identifié dans votre vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui prêchent, qui n'avaient jamais identifié la présence du péché originel dans leur propre vie? C'est pratiquement possible. Il y en a beaucoup. Ils sont entrés dans les eaux de baptême. Ils conduisent même des foules. Ça ne devient que la religion. Ça ne devient que de la religion, rien à voir. Parce qu'une fois que la première délivrance n'est pas opérée, la deuxième sur l'hérédité ne sera pas opérée, la troisième sur le personnel, l'envoûtement direct, l'envoûtement indirect, le cheval de Troie, l'envoûtement alimentaire ne sera pas aussi possible. C'est pourquoi la Bible nous parle des aliments sacrifiés aux idoles. Selon 1 Corinthiens chapitre 10. Parce que ces aliments sont pollués. Ça pollue votre âme. Et le diable passe par là, dans la coutume, chez les féticheurs, dans les traditions, dans les magasins des Asiatiques qui allument l'encens là. Les magasins des Asiatiques, alors que c'est le dragon qui commande tout maintenant. Tout vient du pays du dragon. C'est pourquoi le monde entier est envoûté. Je prends un exemple. Il y a beaucoup de personnes dans mon village qui sont des gens qui pêchent. Elles ont comme activité la pêche. Quand moi je grandissais, j'entendais que ils pêchaient avec les remèdes pour tuer beaucoup de poissons. Ils pêchaient avec des remèdes. Les remèdes, c'est quoi? C'est la magie. D'autres faisaient la chasse avec les remèdes. Dans des potions mystiques. Mais, si ce guerrier tue ses poissons à base de potions mystiques, et toi qui vas consommer ces poissons, tu es envoûté. Mais tu ne le sauras jamais. Parce que tu ne bénéficies d'aucun pouvoir de protection venant de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Mais quelqu'un te dirait que oui, tu as reçu le Seigneur, Parce que tu as seulement confessé que, oui, aujourd'hui j'accepte Jésus. Tu n'as même pas fait la repentance. Tu ne t'es jamais repenti. Tu n'as jamais identifié un péché dans ta vie. Et puis tu as tout simplement dit, j'accepte Jésus. D'autres le disent parfois en riant. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, quand on parle de là, de s'approcher de Dieu, on parle toujours de la repentance. Les Hébreux se sont repentis, ils ont préparé la voie du Seigneur, génération sur génération. Ils confessaient leurs péchés et les péchés de leur père. Ils ne sont pas comme nous. Et quand Jean-Baptiste arrive, Jean-Baptiste aussi va faire la même chose. Jean-Baptiste aussi va les amener à confesser pour préparer. La Bible dit que Jean-Baptiste est arrivé pour préparer les voies du, la voie du Seigneur. Mais pas chez les païens. Mais chaque païen aujourd'hui a besoin de cette doctrine, a besoin de cette pratique pour être réellement délivré. Nous sommes passés par quel chemin avant de recevoir le Seigneur? Nos parents ont fait quoi? Dieu, lui, depuis Abraham, interdisait aux Juifs, aux Hébreux, de toucher à ce qui est impur. C'est pourquoi, dans le livre de Deutéronome, Dieu va jusqu'à dire, Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10, Dieu interdisait à tous les Hébreux de toucher. Et celui qui essayait de toucher à la magie, aux faux dieux, aux idoles, était tué, exécuté. Parce que Dieu connaissait la puissance héréditaire que ces trucs véhiculaient. La domination, les envoûtements, directs ou indirects. Mais quand Jésus arrive, Jésus a-t-il annulé ça, qu'il faut se repentir? Pas du tout. Dans le livre de Marc, il est dit, les apôtres sont partis, ils ont prêché la repentance. Mais quelle est cette doctrine aujourd'hui? On dit aux gens, acceptez seulement Jésus. Oui, j'accepte Jésus. Au nom de Jésus, je suis déjà chrétien. Et puis on dit, vous êtes, si vous êtes des enfants de Dieu, enfants de quel enfant de Dieu? Parce que j'ai seulement dit, j'accepte Jésus comme sauveur, et puis je deviens directement enfant de Dieu sans poser les actes adéquats. Mais c'est impensable quand j'entends les gens prêcher. Je ne sais pas comment ils lisent leur Bible. Oui, si une personne est en crise, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui, alors, qu'est-ce qui est passé alors? Si on dit que les choses anciennes, il faut les identifier. Qu'est-ce qui est passé? Les choses anciennes, qu'est-ce qui est passé donc? Et qu'est-ce qui est devenu nouvelle? Les choses anciennes, Galates chapitre 5, verset 19. Mais tu as vécu. Il faut s'identifier. Il faut les identifier dans ta vie. C'est repentir. Passer à la délivrance. Parce que chaque péché a ouvert la porte à tous ces démons. Ils sont entrés. Il faut qu'on les déloge. Au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, ils chasseront les démons. Tu ne chasses les démons sur toi, mais tu chasses sur ceux qui ont reçu le Seigneur. Tu dois les chasser. Ils doivent poser un acte. L'acte qu'ils doivent poser, c'est se repentir. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, « Hommes frères, que ferons-nous ?» Et Pierre dit, « Repentez-vous. » Pierre n'a pas seulement dit, « Oui, acceptez Jésus. » Dites tout simplement que Jésus est votre... Non, non, non. Il dit, « Repentez-vous. » Commencez par identifier le premier péché, vous là, juifs. Il s'adressait aux juifs qui avaient déjà cru au Seigneur, Dieu le Père. Ils étaient à Jérusalem pour prier ce jour-là. Et pourquoi Pierre leur parle de repentance? Parce qu'ils devaient identifier le péché, le premier, qui condamne toute l'humanité, le péché originel. Il fallait qu'ils identifient. Qu'ils identifient aussi leur rébellion, le fait d'avoir rejeté Jésus. Et vous recevrez le pardon de vos péchés. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. On passe donc par la repentance. Nous tous. Il n'y a pas de délivrance sans repentance, sans identifier les péchés. On ne vient pas à Jésus en marchant en pied, et puis on s'assoit, je suis déjà là Jésus, accepte-moi comme je suis. Mais c'est des fausses doctrines qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc, au niveau de la magie, de l'envoûtement alimentaire, dans cet envoûtement alimentaire, lorsque tu as consommé les aliments sacrifiés aux idoles, tu dois te repentir. Sache que si tu ne l'as pas fait, tu es envoûté. Quels sont les aliments consacrés aux idoles? Selon 1 Corinthiens chapitre 10. Là, la Bible nous révèle quelque chose. À partir du verset 18, si je ne me trompe pas. Non, à partir du verset 16, jusqu'au verset 21. Par la communion au sein de Christ, le pain que nous montons, et qu'il soit la communion au sein de Christ, ici à un seul saint, nous qui sommes plusieurs, nous portons un seul sort, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ces membres, les disciples, ne sont-ils pas en communion avec Christ? Que disons que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou une viande est quelque chose, nullement. Je dis que les comptes sacrifiés, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez voir la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voilà. À la table du Seigneur et à la table des démons. Lorsqu'il parlait de la communion, c'est une possession commune. Une possession commune. Lorsque tu consommes donc la nourriture venant des idoles, venant des féticheurs, ou bien tu as consommé auparavant, il y a eu une possession démoniaque dont tu étais envoûté. Quand il parle de la communion, c'est donc une possession, ça peut être les aliments, des coutumes et des traditions. Par exemple, on parle des funérailles. Qu'avant d'enterrer quelqu'un, on tue des animaux, comme les chèvres, comme les moutons. Ça se passe comme ça généralement en Afrique. Ou bien on prépare des mets spéciaux qu'on donne à la population avant l'enterrement. Les gens mangent. Traditionnellement parlant, c'est une communion avec des esprits démoniaques. On parle d'abord à cette nourriture, à cette viande, à cette chèvre. On prélève le sang pour faire quelque chose. Mais tu as fait tout cela. Mais quand tu te répands pour accepter Christ, quand tu acceptes Christ, il faut se repentir. Maintenant, tu veux la délivrance. Il y a eu une communion. Il faut se repentir par rapport à ça. Il faut reconnaître. C'est entré dans ton sang. Il nous a parlé ailleurs du fait que nous avons été appelés à la communion de son Fils. Jésus-Christ notre Seigneur, quand nous prenons la Sainte Cène, c'est la communion. C'est pourquoi Jésus a institué la Sainte Cène. Quand nous buvons, nous mangeons, il dit c'est le corps de Christ. Nous buvons le sang de Christ. C'est une communion. Et Christ entre intégralement dans notre corps. De nos jours, les gens ne voient pas. Vous voyez, on ne voit pas très bien. Nous avions bu de l'alcool. Par exemple, l'alcoolisme. On t'a donné. Un sorcier achète la bière. Ou bien tu as bu dans des bars, dans des boîtes de nuit. Et ce monsieur a dédié sa boîte de nuit à Satan. Tous ceux qui viennent dans cette boîte de nuit sont envoûtés. Les boissons que tu achètes dans des bars dédiées à Satan pour vous attirer, afin que vous puissiez toujours acheter chez lui Mais ça veut dire quoi? Vous êtes déjà possédé. L'argent, vous le, même si tu te convertis et que si tu n'as pas, si tu n'as pas confessé, tu ne t'es pas repenti par rapport à ça, le démon que tu avais reçu avant la conversion, lui va continuer à détruire tes finances. Cela ne veut pas dire que tu n'iras pas au ciel. Mais le problème est que ce démon, puisque le lien continue, la porte est toujours ouverte à ce démon pour détruire ton argent. D'une manière ou d'une autre, il va détruire ton argent. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui vivent dans une pauvreté extrême? Pourquoi? Pourquoi les chrétiens de nos jours vivent dans une misère? Pourquoi? Donc ils jettent un sort, les vendeurs d'aliments, que ce soit en vente baissée. Pourquoi? Ces gens-là n'aiment pas entendre parler de Dieu. Quand tu parles de Christ au marché, ça les énerve. Parce qu'ils ont envoûté les aliments. Ils ont envoûté ceux qui détiennent les débits de boisson. Ils ont envoûté la boisson pour vous attirer de plus en plus. Ils contrôlent vos maisons, vos enfants. Ils vous envoûtent, ils vous contrôlent. C'est dans l'envoûtement alimentaire. C'est très important de le déclarer ici. Et ça entre dans le chiffre 7, cet envoûtement alimentaire, qui passe par les coutumes, les traditions, qui passe aussi par les affaires, donc le commerce, tout ce qui vient de l'étranger. Dans nos pays, on vous fait manger les pâtes de porc, les pâtes de poulet, ça vient en conteneur. Les têtes de poulet, ça vient en conteneur. Tu ne te poses pas des questions, qui a mangé le tronc, qui a mangé les cuisses? Mais toi, tu achètes des têtes, des pattes, des pâtes, et tu vas manger joyeusement. Tu es même fier. Parce que tu l'as envoûté. Aujourd'hui, dans notre pays, même simple maquereau vient de Chine. Tout vient de Chine, tout ce que nous mangeons. Et vous trouvez ça normal. De la même manière qu'ils vous envoûtent dans la nourriture, ils vous envoûtent dans les hôtels qu'ils ont implantés, palais de congrès, maison de ceci, palais de sport, ils ont mis des hôtels de palais de pour dominer la conscience et les autorités et tout le pays. Tout le monde va acheter en Chine. Malgré que c'est des articles qui ne durent pas, mais on est attaché, accroché. On sait que ça ne dure pas, mais on achète. On sait que ça ne dure pas, mais on achète. Comme une femme envoûtée, l'homme l'avait envoûtée, tabasse tous les jours, l'insulte tous les jours, mais elle a accroché. Ce qu'on appelle l'envoûtement par le rapport sexuel. L'envoûtement sexuel. Dans sa version originelle, cette magie, cet envoûtement se nourrit de l'énergie sexuelle du sorcier et de la victime qui impose sa seule volonté. C'est-à-dire le sorcier, je parle là du sorcier, je parle plus du démon. Le sorcier t'impose sa seule volonté en faisant appel à un arsenal de charme, à un arsenal de domination, à un arsenal d'envoûtement pour contrôler tes finances, pour contrôler tes sentiments, pour contrôler ton énergie, pour contrôler ta santé. C'est ça la magie sexuelle, l'envoûtement par les rapports sexuels. Il contrôle tout. Ça conduit dans la victime à une destruction, à une soumission affective. C'est pourquoi on parlait du charme. Toi qui nourris l'homme, il y a beaucoup de femmes en Europe qui sont en train de nourrir les hommes. Et ces femmes, parfois, ces hommes-là les envoûtent mal. elle exploite, il exploite ton argent. Toi, tu travailles, il dort à la maison. Tu payes le loyer. La voiture même que tu as achetée, elle utilise, il utilise ça pour ses courses avec deux femmes. Et toi, tu es au travail. Tu amènes des sous. Pendant que tu es au travail, il a la carte bleue, la carte bancaire. Il va dans les restaurants avec des filles. Et toi, tu es peinard dans le froid, dans la chaleur. Tu soulèves les matelas dans les hôtels si tu travailles comme femme de chambre dans les hôtels. Ou bien tu fais les plongeons dans les restaurants. Quand tu rentres, le dos est cassé. Il y a des femmes qui envoûtent des hommes. On a toujours entendu ça, elle va voir un féticheur. Elle met les morceaux de viande dans le sexe qu'elle va tuer pour son mari. Et comme ça, le mari devient un petit chien à la maison. Ou bien pour charmer les jeunes garçons, charmer les jeunes filles. Beaucoup de filles sont tombées, ont été dépouillées par cet engouement, par les rapports sexuels. Il n'y a pas une seule personne aujourd'hui qui a eu trois rapports sexuels avec trois hommes différents, ou bien trois rapports sexuels avec trois femmes différentes, qui me dira qu'elle n'a pas été envoûtée. C'est pourquoi, pour être donc délivré, si ces trois hommes, tu dois aussi te repentir en citant leur nom. J'ai eu des rapports sexuels avec X, avec Y, avec Z. C'est un exemple que je donne. C'est une repentance. En citant les noms, tu te réponds. Parce que chaque personne là a ses démons, a ses envoûtements, a aussi ses pratiques. Si donc, si c'est une sorcière, alors, pendant que vous étiez dans cette position d'accouplement, il invoquait des esprits, il introduisait des esprits, il utilisait ton étoile, il manipulait ton âme, il prononçait des imprécations. Que comme tu es sur moi là, tu ne trouveras pas de mariage. Beaucoup de femmes aujourd'hui, à cause des envoûtements par les rapports sexuels, ne trouvent pas le mariage. Beaucoup de personnes, beaucoup de couples, leurs foyers ont été troublés, voire même détruits à cause des envoûtements par les rapports sexuels. Lorsque ton mari a connu une fille libre dehors, est-ce que tu sais ce que cette fille-là allait faire pour détruire votre foyer? Lorsque madame a connu un homme, est-ce que vous savez ce que cet homme-là était, même si la personne n'a rien fait? Puisque tu es devenu même corps avec cette personne, dit la Bible. Tu es devenu même corps. Parce que tu as péché contre ton propre corps, dit la parole de Dieu. En livrant ton corps à la prostitution, prostitution ici, c'est égal que tu as connu un homme ou une femme qui n'était pas ta femme légitime. Et Dieu reconnaît que c'est de la prostitution. Et c'est pourquoi il dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a resté le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ça veut dire qu'il va ressusciter nos corps. Mais est-ce qu'il va ressusciter nos corps lorsque nous allons mourir? La Bible nous appelle les morts en Christ. Mais si nous mourons avec tous ces signes que je suis en train de donner, pourrions-nous espérer un jour être enlevé et que ce corps-là sera changé? Mais vous vous moquez de Dieu ou quoi? Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ, le corps physique, membre de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée, loin de là? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 avant. Qui appartiennent à Dieu. Ici, Paul ne se lasse pas de souligner la liberté que nous avons en Christ. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et lorsque tu étais déjà croyant et que tu as eu un rapport sexuel extra-conjugal ou bien fornication, c'est un signe d'envoûtement. Que actuellement, ces esprits, s'il n'y a pas eu repentance, ces esprits sont dans ton corps. Et pour qu'ils partent, il faut se repentir. Il faut passer à la délivrance. C'est pourquoi nous devons déposer l'huile d'onction après avoir chassé ces démons. Il y a un autre envoûtement qu'on appelle envoûtement par charge. Dans cet acte de sorcellerie qui convoque la puissance de l'énergie, ça convoque la puissance de ton énergie. Les ondes négatives sont amenées à se propager dans l'environnement proche de la victime. Dans l'environnement proche, les ondes négatives, donc c'est des esprits, ils se propagent dans l'environnement proche, dans ta maison, dans ton véhicule, tout ce que tu peux utiliser, dans le travail, là où tu travailles, puis directement sur toi-même. Ça peut également être, le sol peut également être élargi aux objets de son quotidien. Quels sont les objets de ton quotidien? C'est ce qu'on appelle l'envoûtement par charge. Par charge. Je vous explique des choses. Ça ne se trouve pas dans mon livre témoin. C'est pourquoi je le disais auparavant que ce que je n'avais pas. Ceux qui ont lu mon livre témoignage du début jusqu'à la fin, j'avais précisé que il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas expliquer au premier livre, mais ça sera au deuxième livre. Et je suis en train de vous expliquer certaines choses qui sortiront au deuxième livre. Là, je n'ai jamais parlé de ça dans le moindre détail. Vous êtes tous témoins. Que depuis que je presse là au ministère, sur le problème de délivrance. Et je crois que votre temps de délivrance est arrivé. Votre temps de démolition, démolir toutes les œuvres sataniques et démoniaques est arrivé. Vous avez tellement souffert. Mais votre souffrance a tellement trop duré. Et ça veut dire que c'est une souffrance imposée. La Bible parlait déjà de ça. 1 Pierre chapitre 5, une souffrance imposée. Là, je suis dans l'envoûtement par charge. Par charge. Ça, c'est la sorcellerie alors. C'est un acte de sorcellerie qui convoque la puissance de l'énergie, la puissance des démons. Ça convoque les démons. C'est ce qu'on appelle dans leur jargon l'énergie. C'est les démons, c'est les esprits. Les ondes négatives dans tout ce que tu peux faire. Ils contrôlent tout ce que tu peux faire. Chaque domaine de ta vie, ils mettent des ondes négatives. dans les affaires, les ondes négatives, dans les projets, les ondes négatives. Et tu commences à constater les échecs. En tout, c'est l'échec. Il y a des gens qui ont voyagé, ils sont partis du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Ils se sont retrouvés en Europe. Mais ils sont toujours accompagnés des ondes négatives. Il y a aussi des maisons qui ont des ondes négatives. La première habitation d'un sorcier, quand il habite une maison, quand il s'en va, il a des ondes négatives. Une puissance de l'énergie satanique, dont des démons, qui vont contrôler les prochains locataires. Qui vont vous amener à disputer, qui vont vous amener à s'engueuler, qui vont vous rendre malade, qui vont contrôler. Et vous allez constater que depuis que vous habitez cette maison, le sens de votre vie, le sens de votre vie va dans un sens contraire. C'est-à-dire, vous prévoyez que vous aurez ceci cette année, ça n'arrive pas. Vous aurez tel papier, ça n'arrive pas. Vous créez une entreprise, ça ne va pas. Vous faites ceci, ça ne va pas. La santé, ça ne va pas. Quelque chose de pareil, ça ne va toujours pas. Là, vous devez comprendre que c'est un envoûtement qui passe par l'envoûtement par charge. Ça peut être dans la maison, au niveau du travail, ce sont des collègues, des services qui font ça. Ou bien le patron lui-même est impliqué dans des pratiques. Et alors, il gère tous ses employés. Il gère leur esprit avec des ondes très négatives. Ou bien, il n'est pas propriétaire de l'entreprise, mais il est le chef de ses services. Le sort, je disais que le sort peut être élargi aux objets de votre quotidien. Tout ce que vous pouvez toucher, tout ce que vous utilisez, ça peut être la voiture que vous travaillez, le camion. C'est pourquoi il y a souvent des accidents. Les objets de votre quotidien, tout ce que vous pouvez utiliser, même dans votre propre maison, le couteau peut vous blesser bizarrement. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça glisse et ça prend votre doigt. Ils peuvent utiliser, vous entendez que quelqu'un a pris son propre pistolet à la maison, il a tiré sur sa femme, sur les enfants, bien l'enfant a pris, il a tiré. Ce sont les envoûtements par charge. Ou bien ton mari devient violent. Des choses pareilles dans la maison. Et je crois que il y a beaucoup d'autres envoûtements que je pouvais citer, mais le temps ne me permet pas du tout. Nous allons continuer. Demain, c'est pas fini, c'est pourquoi je ne prie pas aujourd'hui, donc demain, jeudi ou vendredi, c'est de ces deux jours de prière intense. Intense. Parce qu'il y a là l'envoûtement par transfert de nuisance, l'envoûtement par évocation qui reste, l'envoûtement par prière. Vous ne savez pas. Par prière, vous allez entendre beaucoup de révélations. Il y a l'envoûtement karmique, la possession démoniaque. C'est différent des envoûtements. La possession démoniaque et aussi l'envoûtement par radionique. Nous allons parler de tout ça demain et on passe à la grande délivrance. Et je vais donner tous les signes. On revient dans la parole de Dieu pour terminer. 1 Corinthiens chapitre 10 dit ceci à partir du verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée. Et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez. Ça prépare déjà la personne qui écoute. C'est une affirmation du sérieux de la situation par laquelle Paul supplie ses lecteurs. Et je vous supplie aujourd'hui, vous ne devez pas ignorer que tous ceux qui ont passé au travers de la mer sur un chemin sec, puis il a refermé la mer sur les nuées le jour de la délivrance. Il dit tout cela n'ont pas pu atteindre la terre promise. Pourquoi? Et il explique. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils moururent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns. Quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point donc à la débauche comme quelques-uns. D'entre eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serviteurs. Dans le désert, tous les Israélites ont eu part à la bénédiction, au baptême et aux provisions reçues. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. L'expression « la plupart », c'est-à-dire les Israélites qui quittaient l'Égypte, et la plupart des gens qui ont reçu le salut de nos jours ne pourront jamais être enlevés, parce qu'ils vivent avec ces charges dans le corps. Et cette charge va toujours les pousser à désobéir, parce qu'ils n'ont pas fait une bonne repentance. Ils n'ont pas suivi la délivrance. C'est pourquoi leur enfer commence sur la terre. Ils vivent dans une pauvreté, dans une misère. Ils vivent dans des maladies bizarres. Ils vivent dans des problèmes pas possibles. Ils ne vivent pas d'abord leur royaume des cieux sur la terre. Jésus-Christ disait, le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais pourquoi? Il s'adressait aux pharisiens. Il s'adressait aux hébreux, aux juifs. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Il disait au milieu parce qu'ils avaient refusé d'accepter. Mais quand tu acceptes Jésus, tu entres dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Tu appartiens déjà à Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous êtes une race élue. Mais à quel moment vous êtes une race élue? Lorsque vous obéissez à cette doctrine, lorsque vous suivez la méditation, lorsque vous lisez la parole, vous la méditez, lorsque vous cherchez votre délivrance, vous cherchez pourquoi ça ne va pas dans votre vie, pourquoi vous ne parvenez pas à lire la parole de Dieu, pourquoi vous ne persévérez pas aux enseignements, pourquoi vous n'allez pas régulièrement au culte. Vous êtes devenu religieux en allant au culte que le dimanche. Mais les séances de délivrance, lorsque vous allez sur la délivrance, c'est pour avoir les biens matériels, les biens terrestres. C'est pas pour aller au ciel. Mais votre premier objectif, c'est d'aller au ciel d'abord. Et Dieu vous donnera tout ce que vous voulez. C'est ce que la Bible précise. Que Dieu vous donne tout ce que vous voulez. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu passent par la parole. C'est par la parole que tu identifies tous ces péchés, tous ces problèmes. Et tu commences à dire à Dieu, délivre-moi ici, délivre-moi là. L'apôtre Pierre dit à Simon, je vois que tu es dans un fil amer et dans les liens de l'iniquité. Mais Simon avait quand même reçu le Seigneur. Et quand vous recevez le Seigneur, vous pensez que tout est fini. Et puis vous devenez tout simplement religieux. Comment vous dites souvent, tout est fini, vous avez reçu le Seigneur. Mais comment vous avez reçu le Seigneur? C'est ça le grand problème. Comment vous l'aviez reçu? Et nous entrons dans les détails. Ce jeudi, vous venez au temps de nation à Paris. Vous reconnaissez dans tout ce qui a été dit ce soir. J'ai dit dans tout ce qui a été dit ce soir, sous les signes. Parce que nous continuons avec les signes qui prouvent que vous êtes envoûtés. Dites-lui, prouve que vous êtes envoûté. On a parlé de la fatigue. On a parlé des migraines, des troubles sévères du sommeil, des douleurs intenses, des démangeaisons, des sensations désagréables et douloureuses également. Au niveau des jambes, des déprimes, la dépression, la perte de la libido, l'impuissance, la nervosité, l'agressivité, l'isolement et repli sur soi. Alors, tout cela, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les accidents de la vie courante, la malchance, comme vous appelez ça, malchance, les infortunes, et également les drames affectifs qui bouleversent, les drames matériels, les drames financiers, et tout cela qui bouleverse votre vie. Sachez que vous êtes envoûté. Sachez que vous êtes envoûté. C'est ce que je pouvais dire ce soir. Donc, jeudi, à 18h30, présentez vos tables de nations. Vous allez voir dehors la pancarte Temple des Nations, à Paris, sur l'adresse 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92-390, Villeneuve-la-Garenne. Vous venez jeudi 18h30, vendredi 18h30 et dimanche 9h sur la même adresse. Le séminaire continue. J'ai dit ce que je vais aborder demain. Et on passe à la délivrance. Et on va déposer l'huile. On ne peut pas vous déposer l'huile d'onction chez vous en regardant seulement sur les réseaux ou en écoutant à la radio. Non. Ou en regardant à la télévision. Ceux de Yaoundé, quittez votre ville. Quittez votre maison. Venez en van. Si vous restez à la maison, tant pis pour vous. Et quand vous m'écoutez, vous comprenez que celui-ci maîtrise. Parce que je suis passé par là. En même temps, je maîtrise la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu m'a donné ces choses-là. C'est une grâce exceptionnelle. Donc, si vous négligez, parce que les sorciers vous empêchent par les rumeurs, par les mensonges, par les calomnies, et vous restez à la maison, tant pis pour vous. Vous irez en enfer, et moi j'irai au ciel. Vous vivrez pauvre sur la terre, et moi je vis dans l'abondance. Que Dieu vous bénisse, et partagez nos vidéos sur YouTube Temple des Nations. J'entendais quelqu'un qui faisait les annonces hier que YouTube, le Temple des Nations. Non, sur YouTube, c'est pas le Temple des Nations. Sur YouTube, c'est Temple des Nations. C'est Facebook qui a le Temple des Nations. Facebook, le Temple des Nations. Mais YouTube, c'est Temple des Nations, tout court. Rectifiez ça dans vos annonces, s'il vous plaît. Au niveau du Temple des Nations, Yaoundé au Cameroun. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une très longue vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te prie, je te cherche. Je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur.